the company. The captain. Ah ben toi tu changes déjà. Bon, okay. Captain. Captain de quoi c'était? Captain Sensible, non? Captain. When I woke up this morning. Ah, je sais pas y faire ça. Ah, si, je te fais l'enfant. I said captain, I say whoa. Captain Sensible. Ouais, bah ça va. On va essayer de mettre un truc. 116, ok. Pourquoi j'ai pas mis... Ah, j'ai pas mis métronome. Attends, j'essaie de mettre une petite batterie. Bon, moi, j'ai toujours les mêmes batteries. Je suis désolé, hein, j'ai pas évolué. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre hein? Avec un 16, hein, c'est...